Cinquième partie, chapitre 4, les œuvres de miséricorde. Quelles sont les bonnes œuvres dont il nous sera demandé un compte particulier au jour du jugement? Les bonnes œuvres dont il nous sera demandé un compte particulier au jour du jugement sont les œuvres de miséricorde. Qu'entend-on par œuvre de miséricorde? L'œuvre de miséricorde est celle par laquelle on secourt les besoins spirituels ou corporels du prochain. Quelles sont les œuvres de miséricorde corporelles? Les œuvres de miséricorde corporelles sont, premièrement, donner à manger à ceux qui ont faim. Deuxièmement, donner à boire à ceux qui ont soif. Troisièmement, vêtir ceux qui sont nus. Quatrièmement, abriter les étrangers. Cinquièmement, visiter les infirmes. Sixièmement, visiter les prisonniers. Septièmement, ensevelir les morts. Quelles sont les œuvres de miséricorde spirituelle? Les œuvres de miséricorde spirituelle sont, premièrement, conseiller ceux qui en ont besoin. Deuxièmement, instruire les ignorants. Troisièmement, exhorter les pécheurs. Quatrièmement, consoler les affligés. Cinquièmement, pardonner les offenses. Sixièmement, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Septièmement, prier Dieu pour les vivants et pour les morts.